Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, amateurs d'intrigues policières, à vos DVD. Le colonel Belisaire Beresford est inquiet. Sa femme, Prudence, à la poursuite d'un cadavre, a disparu. Quand il la retrouve, elle s'est fait engager comme cuisinière à la Vallée aux Loups, une inquiétante demeure où un veuf riche et avare règne en despote sur ses enfants. Oh, j'en peux plus de ce train-train, là. Prudence, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il ne m'arrive rien, justement. On va t'acheter un chapeau. J'en ai déjà des tas. Imagine comme ça serait palpitant de voir un mort entrer en titubant. Oh, est-ce que tu deviens popote ? Prudence, j'ai été témoin d'un crime. Un crime ? Aucune trace de cadavre. Pas la moindre disparition signalée. Pour moi, la seule solution, c'est qu'il s'en soit débarrassé en le jetant par la fenêtre. Que le cadavre soit reparti à pied en titubant. Je crois que j'ai trouvé. C'est un endroit très louche. Le coin idéal pour se débarrasser d'un cadavre. Ça tourne à l'obsession. Tu oublies quelque chose. Le crime est notre affaire. Mademoiselle, la nouvelle domestique est arrivée. Pour le jour de repos, qu'est-ce qui vous conviendrait ? Depuis la mort de mon pauvre mari, j'ai tout mon temps. Je viens de découvrir une femme étranglée. Qui êtes-vous, madame ? Mes fils sont tous des menteurs. Une bande de vautours. Le crime est notre affaire, d'après un roman d'Agatha Christie avec Catherine Fro et André Dussolier. Un DVD Studio Canal.